Le live s'allume, l'énergie se répand. Riders Kill au micro, présent et brillant. Les viewers arrivent, prêts à vibrer. Chaque session, une histoire à compter. Je pose les bases, le beat est posé. Le chat s'agite, les sourires sont lancés. Pas besoin de faux semblants, juste du vrai. Chaque mot prononcé, une part de vérité. Les heures passent, le flow se déploie. Riders Kill met la vibe est en joie. Les viewers connectés, la famille grandit. Dans ce live, la magie s'écrit. L'essence du flow, la vibe qui s'installe. Sur Twitch, on vit, chaque instant est royal. Le Riders Kill, la nuit est à nous. Le son résonne, puissant et doux. On partage, on rit, on crée ensemble. Dans ce live, rien ne nous ressemble. On partage, on rit, on crée ensemble. Dans ce live, rien ne nous ressemble. Le chat s'anime, les échanges fusent. Le rythme s'accélère, les esprits s'amusent. Un flow sincère, un son authentique. Chaque stream est un moment unique. Les drôles passent mais on reste soudés. Riders Kill au cœur, toujours motivé. Les viewers fidèles, la team en place. Chaque session un vrai espace. L'essence du flow, la vague qui s'installe. Chaque son frappe, le live est chaud, la vibe attaque. On rigole, on clash, on s'encourage. Dans ce stream, on tourne la page. Les viewers présents, la famille unie. Unis par le son, toujours ravis. Le flow monte, le beat est roi. Riders Kill mène, c'est la loi. Une pause, un souffle, un instant partagé. Le live respire, l'énergie est chargée. Demain sera là, on reprendra avec Riders Kill. On y